Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je suis ravie de vous retrouver après cette semaine de vacances. J'espère que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et si comme moi, eh bien c'est la reprise pour vous aujourd'hui, bon courage. Il fait beau donc ça va faire du bien au moral, même si en ce jour de reprise, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Allez, nous sommes le lundi 5 novembre. Nous souhaitons une bonne fête aux Sylvie, ça vient du latin forêt. Infiniment sympathique, charmante, conciliante, elle est aussi énergique, courageuse et combative. Sa sensibilité et son émotivité sont grandes, attention au stress. Son humeur pourra être parfois fluctuante. Sylvie sera capable de vivre son nombre actif en 11. Elle fera alors preuve d'une grande force morale et physique. Sa vision de la vie sera large et idéaliste et elle aura des aspirations élevées. La plupart du temps, elle vit ce nombre une octave au-dessous. Elle se révèle fragile, impressionnable, rêveuse et suggestible. Elle peut osciller d'une tendance à l'autre, le maître nombre marquant plutôt la maturité. Sylvie est assez directe, franche, droite et n'aime ni les faux-semblants ni l'injustice qui l'excède. En effet, habituellement souriante et conciliante, elle est capable de colère violente lorsqu'on l'agace. Elle peut aussi apparaître bavarde et spontanée, vive et rapide. Enfin, tout en étant particulièrement altruiste et intéressée par autrui, elle n'est pas indifférente au domaine matériel et se montre parfois sensible aux signes extérieurs de richesse. Elle aime soigner son apparence par de beaux bijoux ou des vêtements de prix. Dicton du jour, s'il neige à la Sainte Sylvie, le laboureur, il rit. Bon bah pas de panique, hein, pas de neige au programme aujourd'hui, pas du tout. Pas de célébration internationale aujourd'hui et ça s'est passé un 5 novembre en 1996, Bill Clinton était réélu comme 42e président des États-Unis. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Simon & Garfunkel et le titre The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement Falken sur RGM. Il est un peu plus de 8h36, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Ils sont nés un 5 novembre 1941. Naissance de Art Garfunkel, chanteur américain, célèbre pour son duo Simon & Garfunkel. 1948, naissance de Bernard-Henri Lévy, célèbre écrivain, philosophe, homme d'affaires, intellectuel et chroniqueur français. 1949, naissance d'Armin Shimerman, acteur américain, connu pour son rôle de Quark dans la série télé Star Trek Deep Space Nine, vu également dans Buffy contre les vampires dans le rôle du principal Snyder, et vu également dans Charmed ou encore Castle. 1958, naissance de Robert Patrick, acteur américain, vu dans Terminator 2, dans le rôle de T-1000. Spy Kids, la série télé The X-Files, saison 8 à saison 9, dans le rôle de l'agent Doggett. True Blood, dans le rôle de Jackson Hervo, saison 5, 6 et 7, est connu pour son rôle de Cabe Gallo, l'agent de sécurité intérieure dans la série Scorpion. 1959, naissance de Bryan Adams, chanteur canadien. 1960, naissance de Tilda Swinton, actrice britannique. Vue dans la plage, Vanya Sky, Le Monde de Narnia, les trois volets hein, d'ailleurs, dans le rôle de Jadis, la sorcière blanche. Vue également dans Michael Clayton, L'étrange histoire de Benjamin Button, dans le rôle d'Elisabeth Abbott. 1963, naissance de Jean-Pierre Papin, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1984 à 2004 en jouant à Valenciennes, Bruges, Marseille, Milan AC, Bayern Munich, Bordeaux, Guingamp, le club de Saint-Pierroise ou encore le club du Cap-Ferret. Il a été entraîneur de 2004 à 2015 du bassin d'Arcachon, de Strasbourg, de Lens, Châteauroux et de nouveau du club du bassin d'Arcachon. Célèbre pour ses papinades. Et en 1991, il fut le troisième joueur français à remporter le Ballon d'Or. 1964, naissance de Famke Janssen, actrice néerlandaise, vue dans GoldenEye, dans le rôle de Xenia Onatopp, connue pour son rôle de Jean Grey dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men Days of Future Past, vue dans Taken 1, 2 et 3, dans le rôle de Lenore, l'ex-femme de Brian, à la télé dans Nip Tuck, Murder ou encore Blacklist dans le rôle de Scotty Hargrave. 1968, naissance de Sam Rockwell, acteur américain, vu dans Le songe d'une nuit d'été, La ligne verte dans le rôle de William Wharton, Charlie et ses drôles de dames, Iron Man 2 dans le rôle de Justin Hammer, Conviction, Triple Board, Les panneaux de la vengeance dans le rôle de Jason Dixon, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. 1971, naissance de Johnny Greenwood, musicien britannique, membre du groupe Radiohead, dont on écoute eh bien, tout de suite un extrait du titre Creep. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Voilà pour l'extrait hein, du titre Creep donc de Radiohead. 1977. Pardon, excusez-moi. Naissance de Cyril Lignac, cuisinier français hein, qu'on peut voir dans les émissions télé Top Chef ou encore Le Meilleur Pâtissier. 1979, naissance de Tarek Boudali, acteur français qui fait partie hein, de la bande Afifi, vu dans L'Arnaqueur, Babysitting 1 et 2 dans le rôle de Sam, Alibi.com dans le rôle de Mehdi, Épouse-moi mon pote dans le rôle de Yacine. Il sera à l'affiche l'année prochaine eh bien, du dernier film en date hein, de Philippe Lachaud, chaud, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, vu à la série, dans la série télé, En Famille, dans le rôle de Kader Ben Gazouira, réalisateur d'Épouse-moi mon pote, scénariste d'Épouse-moi mon pote, ainsi que de Babysitting. 1986, naissance de Yann Mahami, basketteur français, professionnel depuis 2003, ayant joué pour Le Havre, pour Orthez, les Spurs de San Antonio, les Toros d'Austin, les Mavericks de Dallas, les Pacers de l'Indiana. Et depuis 2016, il joue pour les Wizards de Washington. 1987, naissance de Kevin Jonas, musicien américain, membre du groupe Jonas Brothers, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Burning Up. Voilà pour les Jonas Brothers. On continue. 1988, naissance de Yannick Borel, épéiste français, champion olympique par équipe au JO de 2016 et champion du monde en individuel en 2018. 1992, naissance de Marco Verratti, footballeur international italien, qui de 2008 à 2012 a joué pour le club de Delfino Pescara et depuis 2012, il joue au PSG. En 1960, décédé Johnny Hurton, chanteur-guitariste de musique country américain, connu notamment pour le titre Battle of New Orleans, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come, and there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton fields and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the... Voilà pour l'extrait de Johnny Hurton. 1977, décédé René Goscinny, scénariste de bande dessinée français, co-créateur des personnages Disney Good ou encore Astérix. Et en 2003, décédé Bobby Hatfield, chanteur américain de The Rituals Brothers, dont on écoutera en fin d'émission une chanson. Mais là, on va s'écouter Bryan Adams et le titre Everything I Do It For You. Don't tell me it's not worth trying. You know it's true. Everything I do. Bryan Adams avec le titre Everything I do it for you sur le 107 FM. Un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Alors ce matin, il y a un peu de brume, mais on peut déjà voir, notamment à Saint-Étienne-lès-Miremont, le soleil. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 15 et 16 degrés pour cet après-midi. Mardi, soleil et nuages. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Mercredi, soleil et nuages également. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence tout de suite avec le football et les résultats de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1 face à Lille. Lyon et Bordeaux ont fait match nul, 1 but partout. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 à Caen. Nîmes s'est imposé 4 buts à 0 à Dijon. Nice s'est imposé 1 à 0 face à Amiens. Reims s'est imposé 1 but à 0 face à Monaco qui n'y arrive décidément toujours pas. Strasbourg et Toulouse ont fait match nul, 1 but partout. Nantes s'est imposé 5 buts à 0 face à Guingamp. Saint-Etienne s'est imposé 4 buts à 3 face à Angers. Et Montpellier s'est imposé hier soir 3 buts à 0 face à Marseille. En Ligue 2, défaite de Nancy 1 but à 0 face à Clermont. Et ce soir, Metz reçoit Auxerre. En National 2, Épinal s'est imposé 1 but à 0 face à Schiltigheim. En National 3, Raon-l'Étape a fait match nul à Saint-Réunion 0 partout. Et Thaon-les-Vosges a fait match nul 2 buts partout face à Saint-Louis. En basket, en Pro B, victoire de Nancy après prolongation à Paris, 87 à 93. En National 1, victoire du Jet Vosges face à Sorgues, 92 à 84. Et enfin en National 3, victoire de Mirecourt face à Noisy-le-Grand, 82 à 63. Un mot de cyclocross maintenant avec les championnats d'Europe. Côté élite, la victoire de Van der Poel. Steve Chenel, lui, s'est classé 14e et côté espoir, la 3e place d'Antoine Benoît. Un mot de tennis, la finale du Master Paris inédite hier a opposé Khachanov à Novak Djokovic et c'est Khachanov qui s'est imposé en 2-7, 7-5, 6-4. A noter que Novak Djokovic est depuis ce matin le nouveau numéro 1 mondial. Un mot des tournois de cette semaine, il y aura le tournoi féminin de Limoges, pas de française sur les cours aujourd'hui. Et il y a également le Next Gen ITP Finals avec aujourd'hui Tsitsipas face à Mouniard, Fritz opposé à Rublev, Tiafoe à Urkaz et Dominor à Kourouana. Et un mot de l'équipe de France qui va faire un stage à partir du 12 novembre prochain pour préparer la finale de la Coupe Davis ont été convoqués par Yannick Noah, Lucas Pouille, Jérémy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Richard Casquet et Joe Wilfried Tsonga. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec les Rictus Brothers et le titre Unchained Melody. Oh my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Then time goes by so slowly, and time can do so much. I need your love. feed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Sigh. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Theus Brothers, vous l'aurez bien évidemment reconnu, hein, c'est la musique du film Ghost sur RGM. Un peu plus de 8h56 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, à l'écoute des jeunes avec Cassandra. Midi, la bulle de Lia. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 18h, l'heure des loups avec Lou. 20h, le calendrier de François. Et minuit, la rediffusion de la bulle de Lia. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.